En Corée du Sud, selon le journal d'internet Online News, Lee Chang-bok, délégué permanent du Comité Sud pour l'application de la déclaration commune du 15 juin, a fait le 9 courant une conférence dans la salle de réunion de la direction de Gyeongnam de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques pour condamner les autorités qui ont fini par refuser la participation de la délégation du Côté Sud aux cérémonies communes nationales du 15 juin et empêche les mouvements pour la réunification, notamment la clôture de la zone industrielle de Kaesŏn. Par ailleurs, d'après News 6 de Corée du Sud, la police a perquisitionné le 9 courant au domicile d'un membre de l'association de Daegu et de Gyeongbuk de la direction sud de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie, puisque selon la police, il conserve à son ordinateur des données faisant éloge du Nord.